de sable d'Attaque Québec. Bonjour, bienvenue au Grain de sable d'Attaque Québec. C'est Valérie Blouin qui vous parle et je serai avec vous pour la prochaine heure. Alors, au programme aujourd'hui, une demi-heure en compagnie de Jacques Bégélina qui va venir nous parler de la question de la dette dans le cadre d'une semaine d'action mondiale contre la dette et les institutions financières internationales. Ça commence aujourd'hui, les actions, et ce jusqu'au 16 octobre à travers le monde. Ensuite, en deuxième partie d'émission, c'est Renaud Blais qui sera avec nous pour sa chronique consacrée à la question amérindienne. Alors, j'espère avoir piqué votre curiosité. Avant de se lancer, on commence d'abord en chanson avec Tikenja Fakoli, l'Afrique doit du fric sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive vos goûts. Ainsi dans l'Afrique, pas du fric. l'Afrique pas du fric. Ainsi dans l'Afrique pas du fric. Ainsi dans l'Afrique pas du fric. Ainsi dans l'Afrique pas du fric. Voilà, on vient d'écouter Tikenja Fakoli, l'Afrique doit du fric. Aujourd'hui, on grain de sable, donc c'est, on va parler de dette, comme vous pouvez vous l'imaginer, vous venez de l'entendre. Alors, c'est vrai qu'on s'était habitué à ce que la dette soit un problème associé aux pays du Sud. Les interventions du FMI, donc le Fonds monétaire international, les plans d'ajustement structurel, donc surtout qui vont privatiser les services publics. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on associe spontanément à l'Amérique latine ou à l'Afrique. Sauf que maintenant, si on suit les actualités, bien, on s'aperçoit que les pays occidentaux eux-mêmes y goûtent, et en particulier en Europe. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la pilule est assez amère. Il y a des plans d'austérité qui se succèdent avec des conséquences sociales dramatiques et pourtant la dette continue d'augmenter. Alors, de la même façon qu'au Sud, ça a fini par susciter des révoltes, toutes légitimes. En Europe, on commence aussi tout doucement à remettre en question la légitimité de cette dette, surtout des politiques qu'elle justifie. Alors, aujourd'hui débute une semaine d'action globale contre la dette et les institutions financières internationales, donc je répète, le FMI, la Banque mondiale. On s'est dit que ce serait donc une bonne occasion de revenir sur ce sujet qui peut paraître strictement économique, mais qui, comme souvent dans ces cas-là, est en réalité éminemment politique et qui a des conséquences souvent sociales très dramatiques. Alors, pour en parler, nous avons avec nous nul autre que Jacques B. Gélinas, sociologue, conférencier, auteur de nombreux livres, dont le dictionnaire critique de la globalisation. Vous avez également le livre « Virage à droite des élites québécoises » et aussi aujourd'hui, en tout cas, un autre livre qui touche pas mal notre sujet. Donc, « Et si le tiers-monde s'autofinançait de l'endettement à l'épargne ». Alors, il est aussi un observateur très attentif des multiples facettes qui caractérisent notre économie globale. Alors, bonjour, M. Gélinas. Bonjour, Valérie. Alors, merci d'être avec nous. M. Gélinas vous invite donc dans le cadre d'une semaine d'action globale contre la dette et les institutions financières internationales. Mais est-ce que c'est un peu étrange d'être contre la dette? Après tout, si de l'argent a été emprunté, il faut bien le rembourser, non? Pourquoi dénoncer la dette? En fait, Valérie, c'est surtout le système qui a conduit à cette dette qu'il faut dénoncer. OK. Alors, ce système-là, c'est quoi? C'est que à côté du système traditionnel de la finance, c'est-à-dire des banques qui sont là pour faire l'intermédiaire entre ceux qui ont trop d'argent et ceux qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, c'est installé ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Finance de l'ombre. Ouais, le shadow banking. Oh. Les banquiers de l'ombre. C'est-à-dire c'est un système parallèle, OK, constitué de fonds spéculatifs. Mm-hmm. Qui sont tous immatriculés dans des paradis fiscaux, des agences de notation, les produits dérivés, comme par exemple des papiers commerciaux adossés à des actifs, là, dont la caisse ici en avait acheté pour 40 milliards. Mm-hmm. Aussi, dans le système parallèle, il y a la spéculation sur les matières premières et sur les produits agricoles. Enfin, aujourd'hui, la finance en est arrivée à dominer toute l'économie. Et non seulement la finance ordinaire, les banques, mais ce système parallèle de la finance, qui est en dehors des bilans, pour ainsi dire. Alors, et en plus, ce qu'il faut dénoncer, c'est cette relation incestueuse entre la classe politique et les banquiers. Donc, c'est ça qu'il faut dénoncer, et c'est ça qui a causé, par exemple, la dette de la Grèce. Par exemple, la Grèce, qui est un pays moyennement bien développé, alors, les agences de notation ont baissé sa cote, c'est-à-dire, ils ont donné le signal que c'est devenu des prêts à risque pour la Grèce. Alors, il arrive que les banques, toutes les banques européennes, avaient prêté beaucoup au gouvernement grec. Donc, des centaines de milliards de dollars. Donc, comme la Grèce actuellement, qui est un régime reconnu comme corrompu, ne peut pas remettre sa dette, se sont trop endettés, alors les banques d'Europe sont en difficulté. Ils ont prêté à un régime corrompu. Donc, et aujourd'hui, on s'étonne qu'ils ne puissent pas rembourser leurs dettes, mais donc c'est les prêteurs aussi qui, pour faire plus d'argent, ont prêté, ont fait des prêts imprudents. Et les agents de notation sont arrivés, ils ont décoté la Grèce, ils ont dit c'est un pays à risque, c'est un pays à risque, il faut augmenter les intérêts. Donc, comme la Grèce, pour remettre sa dette, il faut qu'elle emprunte encore plus, a des intérêts toujours plus hauts, donc c'est un cercle vicieux. Et donc, les pays européens actuellement se demandent, est-ce qu'on doit intervenir pour... Qu'est-ce qu'on fait, oui. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? Parce que c'est les banques, de fait, là, qui sont en péril. Les banques en Grèce? Les banques européennes. Ah, tout à fait, les banques en France, surtout, en Allemagne, qui ont prêté beaucoup au gouvernement grec. Ah, d'accord. Donc, c'est elles qui se retrouvent en difficulté. Qui sont en difficulté. Là, par exemple, il y a une grande banque belge, Dexia, qui a fait faillite. Parce que la Grèce et d'autres pays aussi, comme l'Espagne, le Portugal, leur devaient beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas payer. Alors, la banque a fait faillite. Alors là, les gouvernements se demandent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réinvestit? Donc, est-ce qu'on va sauver les banques encore une fois? Mm-hmm. On les a déjà sauvées une fois. Il y a deux ans, en 2008, il y a trois ans, quand il y avait eu la crise des subprimes, que les banques avaient fait des mauvais prêts, etc. Entre aux États-Unis, là, entre autres. Aux États-Unis. Donc, là, le gouvernement est arrivé et il a sauvé les banques. Après, les banques ont commencé comme avant. La spéculation. Et là, aujourd'hui, comme ils ont trop prêté, avec beaucoup d'argent que le gouvernement leur avait avancé, donc, des pays qui sont plus en difficulté ne veulent pas remettre l'argent. Donc, c'est un système bancaire, un système parallèle de spéculation qui s'est installé et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une dette illégitime. Ah, donc, c'est dans ce sens-là. Là. Il y a des groupes, justement, qui, comme le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, donc le CADTM, mm-hmm. Il y a des groupes comme eux, donc, qui utilisent depuis longtemps, comme vous dites, le concept de dette illégitime. Ben oui. Donc, pourquoi justifier, dans le fond, ils justifient le non-remboursement d'une partie des dettes publiques du tiers-monde, en tout cas, ceux qui ont plus de difficultés, et maintenant, des pays comme la Grèce. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'ils entendent par là, donc, cette dette illégitime? Voilà. D'abord, remontons à l'origine de ce concept. Imaginez-vous que c'est les États-Unis qui ont développé ça au début. Ah oui? Oui. Alors, c'est en 1898. Ça fait un petit bout. Oui. Lors de la guerre hispano-états-unienne pour la libération de Cuba, parce que Cuba, à l'époque, était encore une colonie espagnole. Et l'Espagne avait prêté beaucoup d'argent à Cuba, au gouvernement Cuba qui était semi-autonome. Et donc, il y a eu une guerre, les États-Unis s'en sont mêlés pour mettre l'Espagne en dehors de Cuba. Et après la libération de Cuba, l'Espagne a réclamé le paiement de la dette qu'ils avaient prêtée à Cuba. Oui. Alors, les États-Unis, là, comme c'est les États-Unis qui avaient fait la libération de Cuba, ils voulaient mettre les Européens dehors de l'Amérique. Alors, ils ont dit non, c'est une dette illégitime. Parce qu'ils ont dit à l'Espagne, vous aviez prêté à un dictateur qui mettait l'argent dans ses poches. Ah bon? Alors, donc, c'est une dette illégitime, donc on n'admettra pas. Et l'Espagne a fini par reculer. Et au traité de Paris, qui a fini la guerre hispano-états-unienne, l'Espagne a encaissé sa propre dette, c'est-à-dire a reconnu que la dette était illégitime. Alors, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé une autre fois, par exemple, dans l'histoire, pas seulement qu'en Équateur, c'est arrivé avec le Canada. Ah oui? La Banque royale du Canada, en 1923, la Banque royale du Canada avait prêté au Costa Rica, au dictateur du Costa Rica, qui était un tyran, de fait, Federico Tinoco, avait prêté plusieurs millions de dollars, et il y a eu un coup d'État, et la Banque royale du Canada a réclamé au nouveau gouvernement la remise de la dette. Yes, alors, le Costa Rica a plaidé auprès des institutions internationales que c'était une dette illégitime. parce que la Banque royale du Canada avait prêté à un dictateur qui n'avait pas, qui avait perdu toute sa popularité dans la population. Donc, là, la Banque royale du Canada a perdu. C'était une dette illégitime. Alors, ça nous est arrivé aussi. Alors, c'est quoi une dette illégitime? C'est quand c'est une dette qui a été faite sans l'accord de la population, premièrement. Deuxièmement, sans le bénéfice pour la population, c'est-à-dire pour le bien commun, ce qui est arrivé en Grèce, par exemple. Parce qu'en Grèce, le gouvernement est reconnu comme un gouvernement corrompu. Ah oui? Mm-hmm. Ben oui. Alors donc, les banques européennes qui prêtaient là, à la tonne de l'argent au gouvernement grec, donc ils savaient qu'ils prêtaient à un gouvernement corrompu, qui mettait l'argent dans ses poches. Alors, oui? Est-ce que c'est fini, non? Non, non. Alors, donc, on pourrait citer plusieurs cas de dette illégitime. Par exemple, Jean-Claude Duvalier, qui s'est en allé d'Haïti avec 900 millions de dollars. Oui. C'était de l'argent, ça, de l'aide internationale, c'est-à-dire qui avait été prêté par la Banque mondiale, par les banques européennes, tout ça. Donc, lui, il est parti. Ça, c'est une dette illégitime. Alors, maintenant, ces gens-là qui ont prêté à des dictateurs, ils demandent qu'on leur rembourse l'argent qu'ils ont prêté. Alors, on dit, ben non, c'est une dette illégitime. Vous avez prêté à Jean-Claude Duvalier. Alors, Haïti ne devrait pas remettre cette dette. C'est une dette illégitime. Oui, tout à fait. Bon, alors, on peut dire la même chose en Europe. Alors, c'est un peu la situation se reproduit. C'est ça. Alors, les banques ont prêté. Un gouvernement qui ne prêtait pas pour le développement du peuple. Non, comme des fois, on peut entendre dans l'actualité, on peut entendre justement, en Grèce, ils ont trop dépensé dans les services publics. Non, c'est pas... Pas question de trop dépenser dans les services publics. C'est la question qu'ils ont mis l'argent dans leur poche, le fait. C'est là. Vraiment ça qui est... C'est un peu ça. Là aussi, le crime organisé s'est infiltré dans le gouvernement. Et puis, ça n'a pas servi au développement de la Grèce. La Grèce est un des pays les moins développés de l'Europe. Donc, et comment se fait-il que le gouvernement grec a prêté des milliards de dollars et qu'il ne s'est pas développé plus que ça? Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas investi là où ils devaient l'investir. Oui. Où il est allé, cet argent-là? Donc, il n'y a pas de système non plus qui vérifie que l'argent est dépensé dans... Non, bien non. Quand vous allez prêter à la Caisse populaire, on va vérifier si vous pouvez remettre l'argent. Si la Caisse populaire ou la banque vous prête de l'argent à quelqu'un qui, par exemple, qui est sur le bien-être social, alors, qui prête, je ne sais pas, 100 000 $ à quelqu'un qui est sur le bien-être social, on va dire, c'est un prêteur imprudent. Alors, c'est ça qu'ont fait les banques d'Europe. Ils ont prêté à la Grèce en sachant qu'il ne pouvait pas être que c'était un gouvernement corrompu, qu'il ne pouvait pas remettre l'argent. Parce que la Grèce, pour remettre son prêt, doit toujours emprunter plus. Emprunter plus d'argent pour remettre. L'argent emprunté va pour remettre la dette. Donc ils vont payer des intérêts, toujours. Pour payer des intérêts, pour remettre la dette. Donc, c'est un cercle vicieux. Alors, puis, quelle analogie on peut faire entre la situation actuelle en Europe, en Grèce, et comme on en parle, puis celle de l'Amérique latine, par exemple, durant les années 80-90? Voilà. Alors, on avait entendu parler, on en parlait beaucoup dans ce temps-là, de la dette des pays du tiers-monde, qui était minime à comparer à aujourd'hui, les dettes d'aujourd'hui. Par exemple, l'Amérique latine en 1982, le Mexique avait déclaré faillite. Il ne pouvait plus remettre la dette. Alors, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échelonné la dette. Alors, la différence, c'est que dans les années 80, c'était les institutions internationales, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui étaient les instigateurs de cette dette illégitime, parce que c'était pour les ajustements structurels, c'est-à-dire c'était pour que les gouvernements de l'Amérique latine s'adaptent au problème de la globalisation, c'est-à-dire au libre-échange. Donc, là aussi, les dirigeants mettaient plein leur poche. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave? C'est beaucoup plus grave, parce que là, c'est un nouveau système. C'est que la finance est devenue le facteur suprême dans l'économie mondiale. Donc, la finance domine toute l'économie. Alors, donc aujourd'hui, il y a ce que je disais tantôt, là, le « shadow banking », la finance de l'ombre qui s'est emparée de l'économie mondiale, toutes ces choses illégitimes qui n'existaient pas en 1980, par exemple les fonds spéculatifs, des fonds qui existent juste pour spéculer. Spéculer, ça veut dire qu'on fait de l'argent avec de l'argent, sans production. Donc, il n'y a pas de produit qui est fait réellement. Il n'y a pas de produit qui est fait réellement. C'est seulement des échanges monétaires. Par exemple, pas virtuels, mais quasiment. Oui, c'est-à-dire, par exemple, dans les échanges monétaires, dans l'échange des monnaies, là. Mm-hmm. Donc, on spécule sur la valeur des monnaies, comme on le fait en Europe, comme on le fait en Grèce actuellement. Donc, c'est juste de la spéculation. Si vous achetez, par exemple, pour 10 millions de francs, 10 millions de marques allemandes, par exemple, juste parce que vous pensez qu'il va prendre de la valeur et qu'après, vous allez faire de l'argent en le revendant le lendemain. Donc, vous faites de l'argent avec rien, là. Oui, c'est ça. Vous avez juste aucun investissement. Aucun investissement. Donc, juste de la spéculation. Mm-hmm. Donc, tout cet argent-là, aujourd'hui, domine l'économie mondiale, l'économie réelle. C'est ça qui est le gros problème actuellement. Puis, à ce sujet, dans le fond, on sait que l'Équateur, donc suite à un audit de sa dette réalisée en 2006, oui. Il a répudié une partie importante de ce qui lui a permis de consacrer davantage de ressources à des secteurs comme l'éducation, la santé publique. Oui. Donc, ils ont analysé un peu le contenu de la dette. C'est ça. Il y a eu un gouvernement là, un peu plus à gauche, un peu plus progressiste, mm-hmm. un peu plus responsable. Puis qui a eu le courage de dire, on va examiner ce que nos prédécesseurs ont fait, pourquoi ils ont emprunté. Donc, en examinant les livres, pas des films comptables, ils ont découvert que cet argent-là avait été mal prêté, n'avait pas été emprunté pour ce pourquoi ils le disaient. Ah, bon. Donc, ils ont dit, bon, on va en remettre juste à moitié. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, oui, ça a diminué donc beaucoup là, leur... Ouais. Puis, est-ce que ça peut être envisageable ailleurs, donc dans d'autres pays du monde? Est-ce que la Grèce, ça peut arriver? Est-ce qu'au Québec, est-ce que ça peut concerner le Québec aussi? Bien, ça serait plus difficile ici, c'est très raffiné. Alors qu'en Grèce, actuellement, comme la Grèce est en faillite. Ouais, oui. Donc là, ça se pose plus. Ici, on n'est pas encore en faillite. Alors... Donc, en Grèce actuellement ou dans d'autres pays d'Europe, là, ça va se poser, par exemple en Italie, surtout parce que les agents de notation interviennent qui décotent ces pays-là et disent, voilà, oui, c'est ça. La Grèce est devenue un pays dangereux. Donc, les banques, pour reprêter à la Grèce, au lieu de charger, par exemple, 6 % d'intérêt, ils vont charger 15 % d'intérêt. Donc, la situation s'aggrave toujours. Oui. Alors, donc, en Grèce actuellement, s'il y avait une révolution, hein? Ce pourquoi ça existe, ce système parallèle, c'est parce qu'aussi, il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoirs. C'est-à-dire, des institutions civiles qui vont protester, comme on commence à le faire aujourd'hui en Europe, les indignés qu'on appelle, et comme on commence à le faire aux États-Unis, des gens, vous avez entendu parler de ça? Oui, l'occupation Wall Street. Oui, occupons Wall Street. Donc, il dit, voilà, le système financier, c'est lui qui nous met dans le trou. Alors, donc, si ces pouvoirs-là, ces contre-pouvoirs de la société civile, si un jour on se réveille, parce que tout ce qui arrive au Québec actuellement, là, les gens devraient sortir dans la rue, parce que c'est clair, on dit le crime organisé est rendu. Bon, oui, si on parle un petit peu avec la construction, ou en tout cas... Avec la construction, avec le rapport du Chéneau, que le crime organisé s'est infiltré au niveau politique. Donc, il faudrait que les gens sortent dans la rue, là, puis protester contre ça. Donc, ici au Québec, on n'est pas encore là, dans une crise épouvantable, mais ça n'empêche pas que... Mais il y a un mouvement Occupons Québec. Qui est né, là, dont on va en parler un peu plus tard aujourd'hui à l'émission, puis Occupons Montréal, Occupons Trois-Rivières, donc. C'est surtout le système financier qui est visé. Oui, alors, Occupons Wall Street. Wall Street, c'est la grande place financière aux États-Unis. Donc, là, enfin, les Américains aussi se réveillent. Donc, à partir des... Et avec le printemps arabe, on a pris conscience que le peuple, s'il se réveille, il peut faire quelque chose. Seulement, la force du peuple en général, c'est l'organisation. L'organisation, oui. Les protestations, l'organisation, mais et aussi de savoir ce pourquoi on proteste. Mm-hmm. Il faut pour ça se faire ce que vous faites, là, c'est très louable. C'est-à-dire d'analyser le système dans lequel on vit. Mm-hmm. Puis en tout cas, on a la chance d'avoir des analystes ou en tout cas des observateurs comme vous. Qui viennent ici pour en ondes pour en parler. Ben, comme les gens d'Attaque là, qui ont commencé cette émission. Eh oui, ben merci. Donc, à long terme, pour vous, le problème peut-être ou des solutions à long terme pour éviter qu'on se retrouve toujours dans cette situation-là? C'est au-delà des manifestations et des revendications, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? Bien, c'est-à-dire, dans nos manifestations, il faut savoir ce que l'on veut. Par exemple, dans le mouvement Occupons Wall Street, paraît-il qu'ils ne sont pas encore arrivés à définir réellement qu'est-ce qu'ils voudraient comme alternative. Alors là, c'est un pas de plus, ça. Oui. Puis qu'est-ce que, pour vous, est-ce que vous en avez, des alternatives? Bien, oui. Un peu plus long pour les développer. Mais brièvement, c'est sûr que là, le temps file, mais vous avez encore quelques... Bien, c'est-à-dire, le gros problème actuellement, c'est le système capitaliste qui est dominé par la finance, qui est dominé par la spéculation. Donc, il faut voir à réinstaller un nouveau système économique, ce n'est pas peu de choses. Il y a très peu de partis politiques actuellement qui ont ça dans leur programme, d'installer réellement un autre système économique qui ne serait pas fondé seulement sur la cupidité et la concurrence, qui serait fondée plutôt sur la coopération. Voilà. Donc, société plus de coopération. Oui, c'est-à-dire qu'un système qui ne serait pas fait pour enrichir les plus agressifs, les plus cupides, comme c'est actuellement. Actuellement, il y a beaucoup d'argent au Québec. On dit qu'il n'y a pas d'argent pour le système santé. Les banques font des profits extraordinaires. Dans nos richesses naturelles, là, les mines, l'éolien, c'est des richesses extraordinaires. On a beaucoup d'argent au Québec, on est riche. Mais on laisse ça au privé, c'est-à-dire quelques institutions accaparer toute cette richesse. Mais est-ce que l'État pourrait avoir le pouvoir de nationaliser les banques? Pourquoi pas? Je pose la question. Oui, ça prendrait des dirigeants courageux. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à ce moment-là, une menace d'avoir par les agences de notation des Ben oui, mais les agences de notation, actuellement, justement, il faut les mettre à leur place. Les agences de notation, aujourd'hui, sont au-dessus des gouvernements. Hein? La finance est au-dessus des gouvernements. Oui, parce que c'est ça. C'est les agents de notation qui disent quel taux d'intérêt les pays vont payer. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent être déclassés. Donc, ils ont même décoté le gouvernement des États-Unis. Ça, c'était inédit. Donc, ça montre. Avant, ils décotaient des pays comme la Bolivie, le Mexique, des pays-là. Mais aujourd'hui, ils décotent même les pays développés, les pays capitalistes, comme la Grèce, la France, les États-Unis. Alors, là, ça veut dire que la finance est rendue vraiment trop puissante. Mm-hmm. Quand ils ont été obligés de sauver les banques, au lieu de leur donner de l'argent, ils auraient pu nationaliser les banques, là. En 2008? Ben oui, parce que l'argent, le système monétaire, c'est un bien public. C'est un bien public. Il devrait être contrôlé par notre secrétariat général, qui est le gouvernement, l'État. Donc, c'est normal que le système monétaire soit contrôlé par le gouvernement. Alors, sur cette alternative, M. Gélina, on va devoir en rester là pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Ça conclut un peu pour votre... ça conclut un petit peu votre chronique pour aujourd'hui. On est rendu à midi et demi. Mais oui, déjà, ça passe vite. On n'a pas fait d'intermède. Non. C'est trop intéressant, je ne t'ai pas coupé. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On vous réinvitera pour approfondir encore ce sujet dans une prochaine émission. Et pour ceux qui voudraient plus d'informations, on vous conseille le site de CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, ainsi que le documentaire Deptocratie. Donc, c'est disponible en ligne et qui décrit très bien la crise grecque et qui la compare à la situation de l'Amérique latine dans les années 80-90. Oui, nos dirigeants politiques sont devenus des deptocrates. Oui. C'est-à-dire des deptocrates, des gens qui vivent de la dette. Exactement. Merci. Donc, ça va être Renaud Blais qui sera avec nous pour nous parler de la question amérindienne. Et juste avant, on va écouter la chanson qui a été créée par The Guardian. The Guardian, journal anglais, et en alliance avec le Studio 20. Donc, c'est des étudiants aux États-Unis qui ont créé la chanson The Euro Crisis Song. À tout de suite. À la quincaillerie Saint-Jean-Baptiste, nous sommes à votre service depuis plus de 100 ans. Nous avons plus de 5000 pieds carrés sur deux étages. On est la plus grande des petites quincailleries de quartier. Plomberie, électricité, porte intérieure, matériaux, service de taille de clés et de vitres, nous vous donnons un service personnalisé pour tous vos projets de rénovation. Nous sommes fournisseurs de la peinture Sico et Rona et nous offrons aussi tous les accessoires nécessaires à vos travaux de peinture et la reproduction de couleurs de n'importe quelle marque. Nous sommes ouverts 7 jours et notre stationnement est disponible sur Sutherland, et ce, malgré les travaux. La quincaillerie Saint-Jean-Baptiste, 298 rue d'Aiguillon, 525-5212. Présentez-vous à la quincaillerie et dites que vous avez entendu cette publicité à CKRL et on vous remettra un rouleau de peinture gratuitement. Votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 au 89.1. Da da da da. Alors, vous venez d'entendre The Guardian, The Euro Crisis Song. Donc, on venait de parler de la dette, la crise de la dette actuellement. Ça tourne en tout cas sur les ondes de CKRL. Et maintenant, je suis en compagnie de Renaud Blais qui vient nous présenter sa chronique sur la question amérindienne. Bonjour Renaud. Bonjour tout le monde. Alors, je te présente un petit peu là, avant d'entrer de jeu, avant d'aller plus loin dans la question amérindienne. Donc, tu es militant altermondialiste depuis plus de 10 ans. Tu es nouvellement reconnu comme Indien, Huron-Wendat, à part entière. Et donc, se reconnaît depuis des années une part d'identité indienne. Puis tu dis souvent, donc, une partie de mes ancêtres ont accueilli les commerçants venus d'Europe il y a 500 ans, desquels sont issus l'autre partie de mes ancêtres. Donc, ces ancêtres, depuis 10 000 ans en Amérique, ont eux aussi, depuis plus de 1000 ans maintenant, des contacts étroits avec les Norrois, donc ce qu'on appelle les Vikings, et ensuite les pêcheurs basques. Huron-Wendat, depuis l'adoption d'une loi en 2010, tu as obtenu ton statut officiel à cause du fait que ta grand-mère, en mariant un blanc le 2 juillet 1924, avait perdu son statut d'indienne. Tout à fait. C'est bien ça. Et pour faire le lien avec la partie qui vient de se terminer de l'émission, ben on va parler de la dette à l'égard des Autochtones pour la société occidentale. Ah, parce qu'il y en a une. Méchante. Parfait. Alors, donc c'est ça, tu avais envie d'un peu nous résumer, ou en tout cas de ben, moi, je trouve que ça fait altermondialiste là, de restituer la place prépondérante des Indiens en Amérique au cours de l'histoire ancienne et plus récente de l'Amérique du Nord. Là. Donc, depuis des années, moi, je fais des recherches personnelles sur... je savais que j'avais des ancêtres amérindiens, mais là, bon, l'année passée, M. Harper, dans son souci d'aller chercher des micro-groupes là, pour avoir des appuis, sans doute, parce que je vois pas d'autres raisons, mais il nous a donné le statut... d'Amérindien. Alors, moi, en entrée de jeu, je voulais dire que je suis très redevable à deux auteurs là, pour ma chronique, là. Jack Weatherford, « Ce que nous devons aux Indiens d'Amérique et comment ils ont transformé le monde ». Ça, c'est publié chez Albin Michel en français en 93, puis la version anglaise date de 1990 à New York. Il y a aussi Olive Patricia Dickason, qui, elle, son titre, c'est « Les Premières Nations du Canada, depuis les temps les plus lointains jusqu'à nos jours ». Ça, c'est publié chez Septentrion en 96, puis sa version originale date de 92. Pour vous donner une idée de la richesse de cette œuvre-là, il y a 35 pages de notes à la fin du livre et 25 pages de bibliographie. Ceci à 55 lignes par page. Ça fait du stock. Mm-hmm. Alors, le thème général de ma chronique aujourd'hui sera de mettre en valeur les nombreux apports des Indiens des Amériques à la société occidentale. Ensuite, tout au long de la saison, je tenterai de faire état du rapprochement qui se construit entre les Indiens et les autres Québécois d'immigration récente. Quand je dis immigration récente, là, c'est les 500 dernières années. Je vous entretiens. Ben, c'est parce que d'un point de vue amérindien, dont l'histoire a 10 000 ans, on dit d'immigration récente. C'est une petite blague, si. Quand ce sera possible, je vous entretiendrai de l'actualité. Puis là, je ne veux pas trop m'engager, mais je suis en contact avec M. Ghislain Picard pour peut-être en studio, en direct, où j'irai le rencontrer, puis j'en diffuserai des extraits pendant l'émission. Mais bon, on est en discussion pour le moment. Ce monsieur-là, juste pour nous rassurer. Ghislain Picard, c'est le vice-président de l'Assemblée des Premières Nations. Ah, okay, lui, il représente Québec-Labrador à l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Alors, je vais vous parler des 10 000 ans d'histoire des Indiens d'Amérique, et surtout ce que la société occidentale leur doit. Mais avant, je voudrais préciser une chose. Pour clarifier la question du vocabulaire, quand on parle des Amérindiens pour désigner les Autochtones des Amériques, cette expression provient du milieu universitaire et bien pensant. En fait, ceux qui veulent réécrire l'histoire. Parce que moi, j'ai rencontré des Wendat là, quand je venais à la fête, puis ces gens-là ne s'appellent pas les Amérindiens, ils s'appellent les Indiens. Les Indiens. Nous sommes des Indiens. Donc, c'est un peu les Blancs qui les appellent Amérindiens. Puis les Blancs récents, parce que faut savoir que ça. Parce que Christophe Colomb pensait s'en venir en Inde, c'est pour ça qu'au départ, on a été désigné comme Indien. Mais ce vocabulaire a été adopté avec le temps. Puis là, on veut faire bien pensant, ça fait qu'on dit comme ce n'est pas des Indiens qui viennent de l'Inde, on a dit on va les appeler des Amérindiens. Mais c'est une vision très intellectualisée et bien pensant qui n'a pas de rapport avec l'affirmation identitaire des personnes. Par ailleurs, la désignation comme Première Nation, ça provient des revendications collectives des Indiens et des Inuits qui ont ainsi obtenu la reconnaissance d'avoir été les premiers résidents d'Amérique du Nord. Alors, j'utiliserai le mot indien, là, parce qu'au moins chez les Hurons, nous nous désignons comme des Indiens. Puis, Je voulais vous relater une expérience, c'est un peu personnel, mais imaginez-vous, quand on se conçoit comme des descendants des Européens, on a grossièrement 500 ans d'histoire. Mais quand on commence à s'identifier aux Autochtones, bien là, ça donne de la perspective parce qu'on passe de 500 à 10 000 ans. Puis il y a toute une période de l'histoire que quiconque, je mets au défi d'avoir entendu parler dans vos cours d'histoire, primaire, secondaire, cégep, ça commence un peu à l'université. Là, depuis quelques années, on parle un peu de l'histoire des Indiens d'Amérique du Nord, mais ça donne de la perspective là, quand on passe de 500 ans à 10 000 ans d'histoire. Là, mais ça explique bien des choses. Alors, quand on parle de cette plus longue histoire, là, depuis le passage à pied sec, à la suite des troupeaux qui constituaient le garde-manger de ces populations, parce que là, on parle du passage à pied sec par le détroit de Bering. Oui. On se rappelle un peu notre histoire. Alors, les troupeaux passaient par là, ça fait que les gens de provenance d'Asie les ont suivis. Puis c'est ça qui fait le début de l'humanité en Amérique, là. Bon, puis ça, il y a plein de discussions chez les historiens. C'est-tu 10 000 ans, c'est-tu 11 000, c'est-tu 9 000? Moi, je fais un chiffre avec 10 000, là, puis je ne m'astine pas avec ça. Alors, mais pendant 10 000 ans, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'ils se sont adaptés et ont appris à tirer parti de leur milieu. Ce qui leur a permis de découvrir les bienfaits alimentaires et pharmacologiques de nombreuses plantes indigènes, par exemple. De plus, à la suite de sélections minutieuses, ces Indiens, à l'arrivée des commerçants européens, ce qu'on appelle chez les historiens la période de contact, disposaient d'une diversité impressionnante de légumes, grains, légumineuses, qu'ils ont su utiliser en fonction des différents climats partout en Amérique du Nord. Puis là, je vais vous citer un bout de la conclusion de Witherford dont je vous ai parlé tantôt. Ils ont extrait l'or et l'argent qui rendit possible le capitalisme. Puis là, l'auteur, il démontre tout ça. Là. C'était l'anthropologue chevronné, fait qu'il fait toutes ces démonstrations-là, mais moi, je vous ai extrait un petit bout de sa conclusion pour faire un tout petit résumé. Donc, travaillant dans les mines, les hôtels de la monnaie et les plantations, avec les esclaves d'origine africaine, ils sont à l'origine de la révolution industrielle qui s'étendit à l'Europe et au monde entier. Ils fournirent le coton, le caoutchouc, les teintures et les produits chimiques qui en dérivent et alimentèrent ce nouveau système de production. Ils acclimatèrent et développèrent des centaines de variétés de maïs, de pommes de terre, de cassave et de cacahuètes qui nourrissent maintenant une grande partie du monde. J'ai retenu un exemple pour vous montrer la différence entre la production alimentaire en provenance de l'Europe colonisatrice, que l'auteur appelle le Vieux Monde. Par exemple, imaginez, les Européens cultivaient du riz, ils plantaient un grain, puis en récoltaient de 6 à 10 sur une période de culture de 120 à 140 jours. Bien, en Amérique, on faisait du riz en plantant une graine pour en récolter 150. Imaginez, c'est 15 à 20 fois plus. Puis en plus, la période de récolte durait la moitié moins de temps. Fait que si ça, c'est pas une révolution, je me demande qu'est-ce que pourrait être une révolution, là. C'est vraiment très, très, très intéressant. On va, avant de poursuivre, Renaud, si tu permets, on va écouter une chanson Loco-Locas. Donc, La paix des braves. Ça peut te dire quelque chose. Oui. Pacifiquement sur la nez canard, en retournant du Canada. Sans l'air, nos colocasses étaient dans l'union space. Formons la préhistoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un pont entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, les séparer la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le top, ton pantalon Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y avaient, on était pacifiques. Son pays. On veut le calmer, mais sans rancune. On est capable de rester prêt, même si on porte une plume. L'union de nations, près de l'ignorance. Pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de peu, donc je finirai par deux. Hoche la gosse, t'as la connaît. On démarre quand, parce que cette année, on a Yak. Yak, Yak. Stomper dans le son pour celle de Pâques. J'ai traversé l'Atlantique. À cette époque, pique au pays du porc épique. La maladie du scorbut, je corrais droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Raquette, piano, bougantisane et topagane. L'authentique autochtone enseigne aux profanes. La science de la savane, ça se suit qu'en filigrane. La soudane mégalomane allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens en Amérique, il y a deux choix. Soit on les abat, comme aux États. Ouais, soit qu'on les réserve comme au Canada. Les réserves ou en bas. Je m'excuse si je t'excise, ouais. Tu m'as pas. Ou si oui, ta mort est exquise. Quoi d'accent, on se plume pas. On te préserve dans l'alcool, par la balle. On te fume dans le tabac. J'appelle ça de la taxidermie. La quoi? Parle-en à René, puis Morancy. Chris, l'ignorance crasse, me laisse au Mourancy. Faut que je me raise sous les chutes, mon Morancy. Oui, maman, oui. Vous êtes toujours au grain de sable sur CKRL jusqu'à 13h. Donc, vous venez d'entendre le colocasse La paix des braves qui imagine un petit peu l'alliance entre la Nouvelle-France et les Indiens d'Amérique. Donc, voilà. Et après, c'est Olivia Vu et Conte de fées qui prend le relais. Mais en attendant, on est toujours avec Renaud Blais avec qui on parlait donc un peu de la part des Indiens, ou en tout cas des Premières Nations. Là, on était rendu dans la culture du riz. Oui, ben là, j'ai donné l'exemple du riz où c'était sans commune mesure l'agriculture européenne et en Amérique. Mais bon, l'idée, c'est de comprendre qu'en 10 000 ans, là, on peut en faire des expérimentations agricoles, puis on prend le temps, puis tout ça. Pis, par exemple, des archéologues, ils ont retrouvé des petits lopins de terre aménagés systématiquement à différentes altitudes dans les Andes. Puis ça, ben eux, les archéologues, ont conclu que c'était un laboratoire d'expérimentation. Qui fait qu'on va récolter des graines qui vont être plus performantes en fonction de l'altitude, en fonction de l'humidité, en fonction de tout ça. Puis c'est ça qui fait que on a sélectionné des grains qui ont de meilleure production que ce qu'avaient les Européens. Mais là, je poursuivrai la citation de Witherford là, qui résume dans sa conclusion les apports amérindiens. Hein. Il dit « Ils découvrirent les vertus curatives de la quinine, qui est l'anesthésique qu'on extrait de la coca, et l'efficacité de milliers d'autres plantes médicinales qui rendirent possible la médecine et la pharmacopée moderne. Les grands progrès dans le domaine de l'agriculture rendirent possible l'explosion démographique des derniers siècles. Ils développèrent et perfectionnèrent une forme de démocratie qui, dans de nombreuses parties du monde, a été adoptée au hasard et de façon inadéquate. Ils ont été des véritables colonisateurs de l'Amérique, ceux qui ouvrirent la voie à travers jungles et déserts, construisir les routes et les villes sur lesquelles a été fondée l'Amérique moderne. Voyez ici, là, quand l'auteur parle qu'ils perfectionnèrent des formes de démocratie, une forme de démocratie, bien, je reviendrai peut-être là-dessus dans mes autres chroniques, là, mais l'auteur conclut que la constitution même des États-Unis d'Amérique a été inspirée de certains éléments de la Confédération iroquoise des Cinq Nations. Mais je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus aujourd'hui, mais ça sera peut-être le thème d'une autre émission, le rapport particulier au niveau démocratique. Là. Ou du moins, j'en ferai une partie de chronique peut-être dans l'avenir, soit en novembre, soit en décembre, en fonction de la disponibilité de M. Picard dont je vous ai parlé tantôt. Oui, ça va être très intéressant. Parce qu'il a accepté en principe, mais là, il faut coordonner nos agendas et voir si ça va. Donc ça, c'est vraiment les citations là, du livre. Donc, ce que nous devons aux Indiens d'Amérique et comment ils ont transformé le monde, publié chez Albin Michel. Donc, ça date quand même de 1993. Oui. Mais c'est ça, originalement publié à New York en 90. Puis, donc, Jack Witherford. Ça fait que ça conclurait pour aujourd'hui. Je reviendrai. J'espère que ça intéresse des gens qui sont, même ceux qui ne savent pas qu'ils ont du sang des Indiens d'Amérique dans le corps. Maintenant, peut-être qu'ils peuvent le faire reconnaître depuis 2010. Bien, ça prend une grand-mère qui a perdu son statut. Là. C'est oui. Les conditions. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces informations. À la Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier Isabelle Baume aujourd'hui qui était à la mise en onde. Également, M. Jacques Bégélina qui est venu nous parler, en tout cas nous donner plus d'informations sur la crise de la dette. Et Renaud Blais, donc, qui nous a parlé, qui a commencé à nous parler de la question amérindienne. Et donc, on va retrouver d'ici un mois. Donc, également, j'aimerais remercier Cédric Leterme qui réalise cette émission. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL ou également celui de Attaque Québec. Et vous pouvez également nous écrire à l'émission si vous voulez que vos commentaires, idées, suggestions soient pris en compte. Donc, au grain de sable. Donc, je vous rappelle l'adresse legraindesable@hotmail.com. Donc, à suivre cette semaine, la deuxième Assemblée générale du collectif Occupons Québec qui s'est créée dans la lignée de ce qui se passe à Wall Street depuis 3 semaines. Donc, je rappelle... Donc, la date, donc ça va être ce lundi 10 octobre à 19h à la cafétéria au sous-sol du pavillon de Coninck à l'Université Laval. Donc, ce lundi 10 octobre, 19h, cafétéria au sous-sol du pavillon de Coninck à l'Université Laval. Donc, je vous invite également à vous rendre sur leur page Facebook Occupons Québec pour être au courant des dernières informations. Alors, quant à nous, c'est déjà le moment de se dire au revoir et à la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie d'Olivia Vu et de son émission Contes de fées qui enchantera sur la littérature, qui vous enchantera, ce que je voulais dire, c'est ça, sur la littérature jeunesse. Donc, mais avant de vous quitter, je vais vous laisser avec la merveilleuse voix de Chloé Sainte-Marie, avec le peuple amérindien Mishapan Nitashinan. Donc, à la semaine prochaine. Mazaklan, Manitou, Médantic.